Facebook, c'est vous qui le dites, qui est à votre disposition et vous replongez dans les moments importants. À demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Justine Hermance. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La rentrée scolaire approche, le balai des voitures des parents aussi aux abords des écoles. Et attention, le risque d'accident est bien présent et encore plus à la sortie des classes. L'IBSR, l'Institut belge pour la sécurité routière, relève 50% d'accidents en plus à la sortie des classes par rapport au début des cours. Et ce risque augmente plus on avance dans la semaine. Le pic, c'est le vendredi soir avec 70% de victimes en plus que le lundi matin. Un Belge sur 5 est incapable d'envoyer des emails, 1 sur 3 d'utiliser un traitement de texte. C'est ce qui ressort d'une enquête de la Ligue des familles qui ne parle plus de fracture mais d'analphabétisme numérique. La Ligue des familles encourage les autorités, les institutions et aussi les entreprises à investir dans le développement des aptitudes informatiques mais aussi à soumettre à la population des alternatives non numériques. Un pont est en feu sur la nouvelle autoroute A11. Il s'agit plus précisément du tronçon en construction qui doit relier Knokke à Bruges. Les pompiers de Bruges ont décidé de laisser brûler le pont de manière contrôlée pour l'instant. Cet incendie provoque des soucis de circulation sur le rail, mais aussi pour les automobilistes. En Flandre, près d'un quart des réfugiés trouvent un emploi en une année. Après 3 ans, ils sont 1 sur 2. Des statistiques du VDAB, l'équivalent du Forum en Wallonie et d'Actiris à Bruxelles. Les compétences linguistiques, le logement et la reconnaissance d'un diplôme étranger sont les obstacles les plus importants pour les demandeurs d'asile à la recherche d'un travail. En sport, les Diables Rouges se retrouvent en ce moment même pour leur 2e entraînement avec leur tout nouveau coach Roberto Martinez. Les Diables joueront jeudi face à l'Espagne, une rencontre amicale au stade Roi Baudouin. La météo, les bancs de brouillard se dissipent en cette fin de matinée. Le soleil prend le dessus partout dans le pays. Quelques nuages de beau temps feront leur apparition par moment. Le vent sera faible et les températures agréables. 20 degrés en Ardennes, 22 à la mer et de 23 à 25 degrés ailleurs. RTBF Mobile Info avec Caroline Gillet et il y a un accident sur la E19. Exactement, dans le sens Mons-Bruxelles à hauteur de Thieux, c'est en voie de droite en direction de la capitale. Toujours pas mal de ralentissements dans ce chantier sur le 42 Mons-Tournay entre Tournevaux et Quin. Défile encore sur 7 km et 30 minutes de retard estimé en direction de Tournay. Ça coince encore quelque peu pour rejoindre Bruxelles via le 411 de Namur entre Varèse et Léonard et le 40 venant de Gand, à hauteur de Ternat. Accident sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure à hauteur de Strombeek-Bever, 2 voies sont entravées. Il y a des files en direction de Zaventem, des files dans lesquelles vous perdez une petite vingtaine de minutes. Ailleurs, ça redevient assez fluide sur le ring. Encore quelques ralentissements aussi dans le centre-ville de Bruxelles, dans la boucle du tunnel Stéphanie vers la Basilique. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, commence sur Vivacité avec Sébastien Nolvo et toute l'équipe. Merci Justine, retour de l'info à midi. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvo. Bonjour les amis. Bonjour. Annie commence cette émission avec un problème psychomoteur. Oui, et en plus elle n'arrive pas à mettre son casque, elle a ses lunettes de soleil, une veste et des verres en fait. Oui, mais il faudrait s'installer Annie parce qu'on va aider Virginie aujourd'hui qui a demandé un devis pour des vacances et elle n'a pas reçu ce qu'elle a demandé. Ah non, au lieu du devis, elle a reçu une facture et pas piqué des verres, 2 500 € quand elle pensait en avoir que pour 1 500, ça c'est fait un petit peu embêtant. Dans le journal de la conso, on part sur les routes de l'école Aurore. Oui, un enfant sur 3 n'est pas attaché correctement sur le chemin de l'école. Mais on reste c'est moche. On reste à l'école, Jacques, pour ce qu'on y mange. On va se pencher sur l'élaboration des menus pour les enfants qui vont manger les repas chauds à l'école à l'occasion de cette rentrée des classes. Bah, c'est d'ailleurs la question Facebook du jour, les repas à l'école. Hein. Oui, on vous demande, tiens, qu'est-ce qu'ils mangent vos enfants à l'école? Soit les repas chauds, soit des tartines. Et si vous leur faites manger le repas chaud, est-ce que vous avez confiance en la cantine? Ils mangent peut-être des queues de beurre. Tu sais, les petites boulettes de chez là-bas. D'IKEA. Ouais, oui. Anne-Laure, elle a des trucs à nous dire sur IKEA aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu votre catalogue? Ah non. Oui. Ah, ben voilà, c'est maintenant que ça se passe et c'est environ jusqu'au 8 septembre. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour le recevoir. On verra par qui sont distribués ces catalogues IKEA et comment sont-ils distribués. Et puis d'ici 13h, on vous fera écouter le Brame du Cerf. On a fait un truc de fou, de complètement fou. On a fait croire aux gens qu'on pouvait aller voir le Brame du Cerf au mois d'août. Évidemment que c'est possible puisque c'est en octobre. Et ben voilà, c'est l'arnaque à touristes qu'on a mis au point et on vous dira si les gens se sont fait avoir ou pas. Oui, quand même, bien. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi nous envoyer tout ça par mail. L'adresse, c'est pigeons@rtbf.be. Notre répondeur 070 222 660. Et puis il y a les SMS au 3063, ça vous coûte 50 centimes le message. Côté musique, il y aura Mika. Il sera pas tout seul, il sera accompagné de Imani. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. Tout ça, c'est sur Vivacité, c'est jusque 13h avec On n'est pas des pigeons, toute l'équipe. Bienvenue tout le monde. Concert, tiens, avec Vivacité, ce sera le 11 novembre prochain sur la scène de Forêt Nationale. On le retrouvait ici avec le titre de l'été, le titre des Fritcottes aussi. Andalouse. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, on vous parlait de souvenirs de vacances et la discussion s'est poursuivie sur la page Facebook jusque très très tard. Oh oui, avec Vincent par exemple, il nous écrit « Le souvenir n'est pas ce que l'on achète, mais ce qu'il représente à un moment donné ». C'est bien vrai Vincent. Et puis pour Kim, rien de tel que de faire des photos comme souvenirs. C'est vrai que comme ça vous économisez de l'argent. Patty achète ses souvenirs chez l'artisan dans les petites boutiques qui ne paient pas de mine et pas avec 200 souvenirs identiques. Michel nous parle de son voyage à Venise et des masques avec l'artisan. l'inscription Made in China. Serge évoque pour sa part des peintures à Paris, soi-disant faites main, mais aussi fabriquées en Chine. Et puis Eric a fait visiter Bruxelles à quelques amis français et dit avoir de plus en plus honte de ce que devient la Grand Place et ses alentours au niveau des boutiques et des souvenirs. Hier en radio, Robert Rémy nous parlait des poires. On vous a demandé sur la page Facebook de nous donner quelques idées de recettes. Et c'est ce que vous avez fait. Mais oui, on commence avec la recette de Josie, ou plutôt de sa grand-mère. Attention, on va écrire. Deux poires dures épluchées et en quartier. Une grande tasse de café très fort. Une cuillère à soupe de sucre blanc. Une cuillère à thé de vinaigre blanc. Ajoutez éventuellement de l'eau. Faites cuire le tout à feu doux jusqu'à ce que les poires soient cuites. Nous les dégustions avec une tartine au beurre salé trempée dans la sauce. C'est une recette bruxelloise, nous dit-elle. Et là, il y a tout le monde qui s'est fait « Ça avait l'air bon quand même hein. !» Si jamais oh vous non, trouvez... moyen. Oui, moyen. Oh non, vous êtes difficile. Alors Anne-Laure, elle nous suggère des poires pochées au sirop léger, chèvre chaud, thym et miel. Et puis la recette facile d'Anthony. Une poire coupée en deux, vous mettez une barre de chocolat dessus, vous emballez le tout dans du papier aluminium et vous passez au four. Ah ! Là, je sens qu'on touche déjà plus. Non, non plus. Oh, nous, on est pour les poires naturelles. Ah, mais ça y est, oui. Non. On est pour une petite poire, comme ça. Oui. Et on n'attend voilà, pas le nouvel an chez Nénène pour boire petite une petite poire. Petite poire pour la soif. Et voilà. Vous avez pu aussi découvrir notre nouveau décor hier en télé, un relooking qui ne vous a pas laissé de marbre. Oui, vous êtes nombreux à dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Un message parmi d'autres, celui d'Agnès, il n'y a rien de neuf. Eh bien, c'est Agnès, comme chez le coiffeur. Si vous ne remarquez pas le changement, c'est que c'est réussi. Ouais, c'est un relifting, il y a plein de choses qui ont changé, il y a de la 3D qui est arrivée, il y a plein de trucs, mais c'est clair, ça nécessite... Bah, on reste les pigeons. Évidemment, on ne va pas non plus aller faire un décor, je ne sais plus pas, moi, une grande table avec des écrans du public, on appellera ça de quoi je me... Mais non, ça existe non, c'est déjà. Pas ça. Hein. Non. Et puis les couleurs restent les mêmes. Et aussi, voilà. Donc c'est, oui. C'est ça que les gens subliminal. Se disent, ça n'a pas changé. C'est bien dit, comme quand on va chez le coiffeur, si c'est réussi... Ça ne doit pas se voir. Oui. Si vous avez d'autres choses à nous dire, Facebook, on le rappelle. Oui, notre page, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous contacter par mail. L'adresse, c'est pigeon au pluriel à rtbf.be. Le SMS 3063 jusque 13h, ça vous coûte 50 centimes. Et puis notre répondeur 070 222 660. Après, Imani côté musique, c'est Virginie, l'auditrice, qui nous dira qu'elle est un petit peu mauvaise. Elle voulait un devis pour des vacances. Elle se retrouve avec une facture. Oui. Et ça, c'est pas cool. Pas cool du tout, elle ne digère pas ça. Hein. Mais tu m'étonnes, on va essayer de comprendre ce qu'il y a là derrière. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est voisin ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Voomobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur voomobile.be. Et il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. Commencez l'année scolaire du bon pied chez ShoeDiscount. En ce moment, plein de prix super bas. Rendez-vous vite chez ShoeDiscount ou sur shoedescount.be. L'ouverture de la saison de l'OPRL. Au programme, l'imposante symphonie Titan de Mahler et Thomas Zehetmeyer en invité dans Bartok. Le 22 septembre à Bruxelles et le 23 à Liège. Ne manquez pas l'ouverture de la saison de l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège. Info ticket 04 224 x 0 ou opRL.be avec Vivacité. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez ceci ? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. En télé sur la Une. Les Diables sont de retour. Premier match pour notre nouveau coach, Roberto Martinez. Le 1er septembre, les Diables ont besoin de vous. Belgique-Espagne, ce jeudi sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Sur l'université avec le titre Don't Be So Shy. Du Kenya, tu ramènes la gangrène. En Turquie, il y a les prisons. En Afrique, t'as les amibes. En Amérique du Sud, la malaria. Tu vois, vraiment, il n'y a que chez soi qu'on est en sécurité. Ça coûte moins cher, on est en sécurité. Finalement, pourquoi aller bien loin en vacances? On va poser la question à Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous vouliez aller où en vacances, Virginie? Peu importe. J'avais vraiment besoin de m'aérer l'esprit. Donc voilà, un last minute intéressant. Un last minute pour vous et votre famille à des prix raisonnables. Oui. Vous cherchiez un truc autour de 1500 euros pour 4. Vous êtes retrouvé sur un site allemand qui proposait des séjours. Et là, c'est un petit mail pour demander un devis. Oui, en fait non, je surfais sur ce site et je voulais faire des comparaisons de prix pour 14 jours, 10 jours, 7 jours, voir un peu sans certitude de partir. Et j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai rentré les dates, mes coordonnées, et j'ai cliqué sur un bouton qui, bizarrement, n'était pas en français, sur une page qui était à moitié traduite en français avec des phrases en allemand. Le bouton, je pense qu'il était en anglais ou en allemand, je ne sais plus trop. Et j'ai cliqué sur ce bouton naïvement, en pensant... Mais quand vous dites que vous avez mis vos coordonnées, vous avez mis vos coordonnées bancaires aussi ? Non, du tout. Ah, du tout, c'est pour ça que je me suis pas méfiée. Et donc, et là, on vous réclame quoi aujourd'hui? On m'a harcelée, on m'a poussée à bout jusqu'à des minuit, m'envoyer des mails jusqu'à des minuit en me disant last change, si vous payez pas, je vous envoie la facture d'annulation du même montant que le voyage, c'est-à-dire 2500 euros. Cool. Enfin non, justement, pas cool, pas Annie. Pas cool du tout, hein, j'ai le montant de la facture, effectivement, avec l'échange de mails. Alors, le site, effectivement, est en français, est en allemand. C'est un tour opérateur allemand, Belita, mais qui relève du droit suisse, voilà. Alors, effectivement, il y a un mélange de langues sur le site. Donc, j'ai fait un petit peu la même démarche que Virginie. Vous devez rentrer vos coordonnées et à un moment donné, effectivement, vous cliquez et vous pensez, vous, qu'en cliquant sur ce bouton-là, qui n'est pas en français, hein, faut le dire, dire, vous allez recevoir simplement les informations que vous demandez. Mm-hmm. Eh bien non, en fait, vous réservez, mais il y a un engagement. Mais à ce moment-là, comme dit Virginie, vous ne devez pas rentrer vos coordonnées bancaires. Alors nous, ça nous paraît un petit peu bizarre. Stupéfiant. Ben, je vous ai tous vu réagir. Pourquoi ? C'est qu'on a été habitués, nous, quand on dit, ben, quand on fait un achat sur Internet, il y a la fameuse règle du double clic. Oui. Vous sélectionnez ce que vous voulez, puis vous recevez un récapitulatif de votre demande, et puis seulement après, vous confirmez. Voilà. Donc ça fait deux clics pour acheter quelque chose. Et donc ici, manifestement, ce n'est pas le cas. Voilà, alors est-ce que c'est parce que c'est un séjour, un voyage ? Et comme je vous dis, l'Allemagne, ça vous fait penser au Centre européen des consommateurs. Ah bah oui, c'est... Ben, voilà, voilà, il n'y a que eux qui peuvent nous éclairer. Donc on donne un petit coup de fil au Centre européen des consommateurs. William Madguen est en ligne, il est juriste là-bas. Bonjour William. Bonjour à tous. Alors Virginie, elle s'est trompée ou c'était pas très clairement indiqué sur le site ? Ben, il faut savoir que de manière générale, un contrat est valide dès qu'on marque son accord sur le contenu et sur le prix. Donc finalement, le moment de payer, le fait qu'on ne paye pas immédiatement, n'a aucune influence sur la validité du contrat, et ce n'est finalement qu'une modalité du contrat. Donc il faut savoir que sur Internet, on marque son accord en cliquant sur un bouton de validation de commande qui est régi par la loi, puisqu'elle prévoit que ce bouton doit faire une mention, faire référence à une obligation de paiement. Ça doit reprendre par exemple une expression du type acheté ou réservé avec obligation de paiement. Et à partir du moment où ce bouton est présent et que vous avez dû rentrer vos coordonnées personnelles et accepter le prix qui est clairement indiqué, le contrat est valide. Oui, mais ici, William, en fait, Virginie, elle rentre ses coordonnées, on a bien compris. Elle appuie sur un bouton, c'est écrit en allemand ou en anglais, on ne sait pas trop bien quoi, et elle ne s'attend absolument pas à ce que ce soit une réservation avec un engagement. Ça, ben ici, évidemment, s'il y a un problème linguistique, si le bouton n'est pas dans la même langue que le reste de l'offre, là, il y a matière à discuter, évidemment. Parce qu'on doit recevoir l'information dans la langue dans laquelle on fait la réservation. Alors dans ce cas-ci, bon, elle s'est trompée, elle reçoit un mail des nouvelles du site, hein, donc tour opérateur de Bellita, et puis elle dit « mais je me suis trompée » et elle annule tout de suite. Est-ce que le fait de s'être trompée, nous consommateurs, d'annuler assez vite, est-ce que ça compte ou ça compte pas ? Mais malheureusement, pour les contrats de voyage, il n'y a pas de droit de rétractation légale. Donc une fois que la réservation est effectuée, elle est définitive, sauf si les conditions de l'intermédiaire ou de l'hôtel prévoient des possibilités d'annulation gratuite. C'est parfois le cas, mais ça dépend vraiment d'un hôtelier à l'autre. Alors ici, c'est un site en allemand. Est-ce que vous, au Centre européen des consommateurs, vous recevez des plaintes ou des problèmes que les gens peuvent vous soumettre parce qu'ils ont eu la même mésaventure que Virginie ? On a déjà reçu des plaintes de ce type, en général souvent sur des sites allemands qui fonctionnent, comme vous l'avez bien indiqué, sans le double clic. Donc tout se passe au cours de la même étape du processus de réservation. Donc on remplit ses coordonnées, on choisit les dates de voyage et on clique en une fois sans devoir donner ses coordonnées de paiement, puisqu'on ne payera que plus tard par virement. Et donc on a déjà reçu des plaintes de ce type. Malheureusement, lorsque le bouton est dans la bonne langue et est formulé avec la bonne expression, c'est difficilement contestable. Mais ici, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Là, clairement. Si en effet le bouton, si madame peut prouver que le bouton n'était pas dans la même langue, elle pourrait contester en contestant la validité du contrat. Donc ça veut dire qu'il faut retourner sur le site. La question qui se pose encore savoir, c'est quel est le droit applicable vu que c'est une société suisse. Est-ce que vous pouvez... Ah oui, ben oui. Oui, voilà, c'est ça. Alors évidemment, Centre européen a des limites. La Suisse, tout le monde sait bien, n'est pas dans communauté européenne. Donc forcément, vous ne savez pas intervenir. Mais ici, manifestement, on va suivre Virginie parce qu'elle a reçu l'annulation de sa soi-disant de réservation, 2569 euros. Ils sont de plus en plus menaçants en disant, attendez, on va vous poursuivre, on va faire une procédure. Mais bon, voilà, eux, ils sont en Suisse ou en Allemagne. Virginie, elle est en Belgique. Est-ce que pratiquement, soyons réalistes, elle risque quelque chose à part recevoir des courriers d'un bureau de recouvrement de créances. Il pourrait envisager d'introduire une procédure judiciaire. Maintenant, la question qui se pose, c'est où la lancer. Logiquement, en en Europe, on est obligé d'introduire l'action dans le pays où réside le défendeur, donc dans cet exemple, la Belgique. Mais je vous avoue que j'ai aucune idée de ce qui est prévu lorsque c'est un litige avec une société en dehors de l'Union européenne. Mais je pense en effet qu'il y a de nombreux obstacles. Dans l'immédiat, l'idéal serait peut-être, Virginie, de retourner sur le site et de faire une capture d'écran, voir si effectivement le bouton est dans une autre langue que l'offre quelque part. Et sauver le machin, peut-être que ça peut vous aider. Annie, un autre conseil peut-être? Mais écoutez, moi j'ai pris contact avec le site, j'ai téléphoné hier, j'ai eu quelqu'un en français, puis elle trouvait que c'était trop compliqué ce que j'expliquais, elle m'a demandé d'envoyer un mail, ce que j'ai fait. Oui. J'ai reçu une réponse ce matin me disant, tout en allemand, chère madame, veuillez écrire en allemand. D'accord. Voilà, comme nous avons un collègue qui parle... On va se débrouiller, Virginie. En allemand, le tour opérateur va recevoir ma belle lettre en allemand. Virginie, on ne vous laisse pas tomber. Si vous avez d'autres nouvelles, tenez-nous au courant. On remercie le Centre européen des consommateurs. On peut peut-être rappeler, Annie, si vous les avez sous la main, sinon on demande à William les coordonnées pour rejoindre le Centre européen des consommateurs. William Madgen, vous les avez par cœur? Ben oui, vous pouvez nous contacter, introduire la plainte via notre site internet qui est www.cecbelgique.be et vous trouverez sur le site toutes les informations de contact, notamment notre numéro de téléphone. Virginie, on reste en contact et on ne vous abandonne pas sur ce coup-là. On essaye de tenir ce dossier à jour et d'y revenir dans les prochains jours. Nous, en ce qui nous concerne, on va passer à la suite avec un souvenir côté musique, celui des Foreigners. Et puis dans le journal La Conso, on parlera de ceinture de sécurité, on parlera de cigarettes électroniques ou encore de parts d'attraction. Encore un soir. Ce soir, sur Vivacité, découvrez Encore un soir, le tout nouvel album en français de Céline Dion. Jamais rien demandé. Céline Dion est enfin de retour. Écoutez-la ce soir dès 19h dans le Tip Top de Vivacité et ramenez-la chez vous. Vivacité vous offre son nouvel album, Encore un soir. Je suis Sarah Koff, enseignante en optique à l'IPES Wavre. Savez-vous que l'IPES Wavre est la seule école à proposer l'option opticien en Brabant Wallon? L'option opticien ouvre les portes des magasins d'optique de renommée ou vous permet de créer votre propre centre. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Perouet comme si vous y aviez participé avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Laurent Martin et des milliers de beaux héros pédalant dans la roue de Sarah de Padua sous le soleil du Brabant Wallon. Ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité. I've gotta take a little time, a little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world. Clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain, I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. 4 signes, les Foreigners, I want to know what love is. On part sur les routes, voir comment ça se passe, Caroline Gillet. Eh bien, on va partir sur le 19 Mons, Bruxelles, puisqu'un accident s'est produit à hauteur de Thieu. La voie de droite est toujours neutralisée. Défile sur 6 km à présent et 25 minutes de temps de parcours supplémentaire en direction de Bruxelles. Encore des ralentissements dans le chantier sur le 42 Mons Tournai entre Tournevaux et Quin. 7 km de file, 50 minutes de retard encore en direction de Tournai. Ça ne bouge pas beaucoup. Des ralentissements sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel vers Grand-Bigard et en intérieur entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem. Défile aussi dans la boucle du tunnel Stéphanie en direction de la Basilique dans le centre-ville de Bruxelles. Et puis on nous signale à l'instant un accident sur le 40 Gand, Bruxelles, à hauteur de Grand-Bigard. La voie centrale est neutralisée. Défile se forme en direction de Bruxelles. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. h 32 bientôt, place au journal de la conso. Dans la DH aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lire? Dans l'autre gazette aussi, mais on a pris la DH. Hein, oui, hein. C'est le premier livre qui m'est tombé sous la main. Qui est aux toilettes. Quasiment un enfant sur trois n'est pas attaché correctement sur le chemin de l'école. Oui, ce sont des chiffres de l'Institut belge pour la sécurité routière et on parle bien d'enfants attachés correctement, c'est-à-dire de la bonne façon et sur un siège adapté. Parfois, ils sont attachés, mais au final, ça ne sert à rien. Et puis surtout, 12% des enfants ne sont pas du tout attachés quand ils vont à l'école. C'est d'autant plus inconscient quand on sait que 4 enfants accidentés sur 10 le sont justement sur le trajet qui va ou qui vient de l'école. Bonne nouvelle tout de même, les enfants sont plus ou en tout cas mieux attachés dans le cadre d'autres trajets, comme ceux qui les emmènent vers leur hobby ou les activités sportives. Il faut enfoncer le clou pour les trajets routiniers et donc... Mais oui, c'est pas parce que tu vas tout près que tu risques rien. Donc, Exactement. Donc voilà, toujours oui. Attacher tout le monde dans la voiture. Dans les journaux du groupe Sud-Presse, on apprend que la cigarette électronique est aussi nocive pour la santé que la cigarette traditionnelle, selon certains critères. Oui, l'e-cigarette comporte autant de risques pour les artères et le cœur que la cigarette classique. Des chercheurs viennent de présenter ces résultats lors du congrès de la Société européenne de cardiologie. Des chercheurs grecs qui ont constaté le même degré de rigidité des artères auprès des fumeurs qu'ils fument la bête clope ou qu'ils vapotent. Ça calme, hein ? Oui. Ça calme. On apprend aussi dans la presse du jour que vous avez été nombreux à vous rendre dans les parcs d'attractions cet été. Oui, vous n'avez pas été découragés ni par la météo, ni par la crainte des attentats. Les parcs d'attractions et animaliers tirent un bilan plutôt positif, surtout après le dernier week-end et sa magnifique météo. Hein, souvenez-vous, la semaine dernière. Chez Belleward, par exemple, on enregistre une augmentation de fréquentation de 5% pour cet été. Pas de chiffres définitifs encore chez Walibi, mais ils seront bons selon les responsables. Chez Bob Boyanland, on parle d'une augmentation

forcément des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme, sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. Et qu'il faudrait que je sois quand, je leur réponds simplement quand, tout ma voix. Si on devait s'habiller quand, sans arrêt s'imiter quand, à qui devrais-je ressembler quand, tout ma voix. Soleil de retour avec un nouvel album, l'album Éclairci. Le premier extrait, c'est comme... On n'est pas des pigeons. La rentrée des classes, c'est après-demain et c'est pour une partie des enfants. Mais vous, Jacques, vous ne pensez qu'à manger. Oui, parce qu'il va bien falloir les nourrir, tous ces enfants qui entrent à l'école. Alors, c'est l'éternel débat entre repas tartine ou repas chaud à midi. Je ne sais pas ce qu'ils font les vôtres. Tartine. Alors plutôt, oui. Tartine, non, ils vont manger à la maison. Je dis tartine comme tout le monde, mais non, ils viennent manger à la maison. Annie, Moi, c'était les deux. D'accord. Et alors, qui dit repas chaud proposé par l'école dit évidemment élaboration de menu. Alors, ça fonctionne comment? Alors, il n'y a pas de règle unique, ça dépend d'une école. Je me disais bien aussi. Il y a des écoles qui disposent de leur propre infrastructure, là, donc c'est le cuisinier de l'école qui élabore les menus, et puis d'autres écoles qui font appel à des sociétés de catering, et là, les plats sont proposés par ces sociétés sur base du travail de diététiciens qui tiennent compte de l'apport nutritionnel nécessaire aux enfants. Et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un cahier des charges qui a été mis au point pour encadrer la préparation et la livraison de ces repas en milieu scolaire. Vous avez un souvenir de repas d'école si vous preniez le repas chaud? Moi, c'était toujours tartine. Toujours tartine. Oui, ouais. Moi, j'ai le souvenir un jour, le mardi, il y avait des frites macaroni. Parce qu'un jour, la cuisine avait foiré et voilà, les frites étaient faites. Et puis, ils ont pris du macaroni avec de la viande. Et ben frites c'est macaroni, vrai. Je te jure, franchement, encore aujourd'hui, je voudrais remanger ça avec tous les copains. C'était pas du tout dans le cahier des charges. Et ben, dans le cahier des charges, à mon avis, non, ça ne m'apparaît pas. Il y a plein de choses. Il y a 46 pages et ce cahier organise toute la relation entre l'école et la société qui va fournir les repas. Alors, il fixe aussi, par exemple, les prix maximum qui peuvent être demandés par la société. Il reprend les apports nutritionnels recommandés par jour pour les garçons. Sont les filles, il y a plein de tableaux en fonction de l'âge. Il précise les critères de choix à favoriser dans l'alimentation des enfants, les boissons, les fruits, les légumes, viande, alternatives végétariennes, donc c'est très très complet. Il y a aussi même la notion d'éducation au goût pour les enfants. Alors, je vous donne une petite citation du cahier des charges. Oui, surtout. Dans le but d'une éducation au goût, les repas confectionnés et servis devront, tout en respectant les impératifs diététiques, nutritionnels et autres, être réalisés avec des matières premières savoureuses, dont les propriétés nutritionnelles et organoleptiques seront respectées par des modes de cuisson appropriés et contenir les assaisonnements, herbes, épices et accompagnements naturels adéquats destinés à mettre en évidence ou à rehausser la saveur des aliments servis. Ok, si c'est comme ça pendant 46 pages. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, il n'y a pas grand-chose. Quoi. Non, voilà. Ça a coûté. Il y a aussi beaucoup de chiffres. Il paraît que c'est quand même une bible. On va en parler de ce cahier des charges et de cette bible avec Bernard Rubien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UFAPEC, c'est l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique. Alors tout d'abord, il faut préciser que toutes les écoles ne proposent pas des repas chauds. Non, effectivement, il faut savoir que le temps de midi n'est pas du temps scolaire et donc l'école n'a pas obligation de fournir ce service aux familles. Alors pour revenir à ce cahier des charges qu'on a vu qui était très précis, comment être sûr qu'il est respecté là où les repas chauds sont servis? Alors le cahier des charges n'est pas prescriptif, il est indicatif. Les écoles qui se lancent dans le respect de ce cahier des charges, ben voilà, ont des éléments, notamment, vous avez cité déjà certaines choses, mais le tableau 12 sur le grammage et fréquence des composants du repas principal et des collations indique très clairement quelques éléments intéressants à suivre en faisant la distinction de maternelle, petit primaire, grand primaire, adolescent et adulte. Page 12, vous dites. C'est intéressant. Non, c'est page 24, tableau numéro 12. Vous maîtrisez. Et dites, est-ce qu'on peut manger des frites dans le cahier des charges? Alors, dans le cahier des charges, c'est pas recommandé, mais voilà, le principe, si on sert des frites croquettes, c'est 100 grammes pour les petits, 150 grammes pour les grands primaires, et on arrive à 200 grammes pour adolescents et adultes. Et du coup, il n'y a pas vraiment de contrôle de ce qui est servi comme nourriture aux enfants dans les écoles? Non, le seul contrôle, sont les contrôles qu'opère l'APSCA sur la propreté des cuisines. Si il y a des cuisines à l'école et que les repas sont faits sur place, la propreté des lieux où on entrepose les repas qui seraient livrés par des sociétés. Mais une nouvelle fois, il y a beaucoup d'écoles qui n'offrent pas de repas chauds. Mais c'est quoi? C'est aux parents à être vigilants et demander aux enfants ce qu'ils ont mangé à midi. Et quand ils apprennent, par exemple, que les légumes, c'était juste la sauce tomate, les parents l'ont un peu mauvaise. Oui, en fait, assez souvent, dans les écoles où il y a des repas chauds, les parents reçoivent les menus d'avance. Certains, c'est pour le mois et des choses comme ça. Enfin, d'une école à l'autre, ça varie très fort. Et donc, les parents ont quand même un œil sur ce que les enfants mangent s'ils inscrivent au repas chaud. Est-ce qu'ils peuvent demander à assister à un repas, par exemple, au cours de l'année, comme ça, aller voir comment ça se passe? Normalement, non. Attendez, ça nous coûte une blinde quand même, cette histoire. Hein. C'est 3 euros le repas, quoi. Ou alors, il faut leur demander de surveiller les enfants en même temps. Ah, pas mal. Non, ce qu'il y a, c'est que nous pensons qu'il faut, évidemment, si ça se passe, il faut un bon dialogue entre les parents et l'équipe éducative et la direction. Et donc, il faut pouvoir parler de tous les sujets, dont le sujet des repas. Vous évoquiez des souvenirs de repas. Moi, je me souviens d'épinards qui étaient vraiment infâmes. Ah, voilà, donc on a tous un souvenir plus ou moins vilain. Jacques. Finalement, peut-être est-ce que le milieu scolaire doit aussi être le lieu où les enfants apprennent à bien manger? Alors, comme toute l'éducation, l'école doit pouvoir apprendre des principes nutritionnels. À partir de là, elle le fait à d'autres moments, dans des cours de biologie notamment, mais apprendre que l'on doit manger pour pouvoir rester vivant, que l'on doit pouvoir boire, mais qu'il ne faut pas trop manger, il ne faut pas boire n'importe quoi, parce qu'autrement, ça a des conséquences. Donc tout ça a une implication dans la formation des jeunes. Et autour de la cantine et du repas, il peut y avoir une éducation qui est un peu autre. Je pense, il y a des écoles maternelles, voire des petites classes de primaire, où on participe à la confection d'un élément du repas, un dessert, une soupe, des choses comme ça. Mais ça apprend aux enfants... Finalement, à découvrir que ce qu'ils mangent ne vient pas de nulle part, que ça a dû être transformé, ça a dû être cuisiné, et que ça a plus ou moins de goût selon la préparation. Merci Bernard Rubien, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique. Les repas scolaires, on vous pose la question sur la page Facebook. Oui, on vous demande, tiens, est-ce que vous mettez vos enfants à la cantine ou est-ce que vous leur donnez des tartines à manger? Et s'ils vont à la cantine, mais comment ça se passe? Vous pouvez dire tout ça sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Et on vous lira plus tard. Dans quelques minutes, on ouvre le catalogue IKEA parce que oui, il arrive dans vos boîtes aux lettres. Et il y a des beaux meubles, Anne-Laure. Ah, c'est pas mal, oui, oui. Bon, il y a les classiques et puis il y a quelques nouveautés. Oui, on en parle. J'ai pris du plaisir à le feuilleter. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça, c'est wallon, tout ça, c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça s'y mêle encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? C'est fort où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, près sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Sur Vivacité. C'était son nouveau simple, son nouveau single, sa nouvelle chanson qui ressemblait à l'ancienne, se disait-on en studio. C'était Le Lac. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Petite devinette autour de la table. Qui rivalise en termes de popularité, la Bible et Harry Potter? Avec la Bible et Harry Potter. Ah, carrément. Voilà. Et qu'est-ce qui rivalise, ouais? Le Coran? Ouais, pourquoi? Enfin, ça pourrait, mais non. Ouais. Certainement pas la Constitution. Ben non, ben vous le savez, vous l'avez entendu qu'on parlait du catalogue IKEA. C'est lui, évidemment, qui rivalise avec la Bible et Harry Potter. Vous savez qu'Harry Potter, c'est 450 millions d'exemplaires vendus l'année dernière, tout homme confondu. La Bible, c'est environ 100 millions d'exemplaires vendus chaque année. Et le catalogue IKEA, 211 millions d'exemplaires distribués l'année dernière dans le monde entier. Il existe depuis combien de temps ce catalogue IKEA, pas comme la Bible? Non, il existe depuis moins longtemps en effet. En Suède depuis 1951, puis il a été progressivement distribué dans d'autres pays en fonction de l'ouverture des magasins. En Belgique par exemple, les premiers catalogues, on les a reçus en 1984 dans notre boîte. Il faut savoir que depuis la troisième année consécutive, ce catalogue IKEA, il est labellisé FSC. C'est quoi le catalogue FSC? Ben, c'est censé rendre votre catalogue IKEA plus écologique parce que issu de forêts gérées durablement. À votre avis, qui distribue le catalogue IKEA chez nous? Bipost, je crois. Ah ben non, c'est pas Bipost. C'est une société privée. Ah ouais. Oui, c'est ça, Aurore, exactement. C'est Belgique Diffusion. C'est une société qui fait appel en fait à des distributeurs indépendants. Et vous verrez ce soir en télé le portrait de Giuseppe. Giuseppe, il fait ce métier de distributeur depuis 4 ans déjà. Et dans son secteur, il va distribuer rien que dans son secteur 3800 catalogues IKEA pendant 3 jours. Mmh. En moyenne, il fait 600 km en camionnette par semaine et 30 km par jour à pied. Ils sont courageux. Et en tout, ils sont 2200 livreurs qui vont faire ce boulot pendant 15 jours. La distribution devrait s'arrêter aux alentours du 8 septembre. Et en tout, ces 2200 livreurs, ils vont livrer presque 4 millions d'exemplaires du catalogue IKEA dans 467 communes belges, ce qui fait 85% de la population qui reçoit le catalogue IKEA chez nous. Et les 15% qui restent? Ah ben les 15% qui restent, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance parce que IKEA estime qu'ils n'ont pas une proximité suffisante avec un magasin IKEA en Belgique pour recevoir le catalogue. Et donc, voilà, ils ne reçoivent pas à la maison. Mais dans les 15%, il y a aussi ceux qui ont mis pas de toute boîte. Vous savez, vous avez mis le petit autocollant. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Et pourquoi ce n'est pas Bipost qui s'occupe de toute la distribution? Parce que le catalogue IKEA est un produit toute boîte qui dépasse le poids maximal autorisé par Bipost, qui est de 130 grammes. Alors, à votre avis, ce catalogue IKEA comporte 324 pages. Combien pèse-t-il? Si on monte tous les meubles à l'intérieur. ça ferait lourd. Quoique. La pose, c'est combien? La pose, c'est maximum 130 grammes pour les. Donc, il fait 210 grammes. 210 grammes. J'ai dit 190. 190. Ah ben il fait quand même 400 grammes. Ah, ouf. Ah oui, on l'a pesé, il fait 400 grammes le catalogue IKEA. D'accord. Et il y a un anniversaire en plus pour IKEA cette année. Poang. Poang fête ses 40 ans. Vous savez qui est Poang ? Absolument pas. C'est le fauteuil avec les pieds en bois un petit peu courbés, comme ça. Je vais vous montrer la photo, vous allez dire tout de suite. Mais oui, Poang, on en a tous un dans notre garage qu'on a fini par virer en disant comment j'ai pu acheter ça un jour. Tous les gens qui sont chez eux se disent mais oui, Poang, j'en ai un. Mais probablement que vous en avez un à la maison, allez voir la photo, évidemment. Et est-ce que dans les autres pays, on va terminer avec ça, est-ce que dans les autres pays, le catalogue, c'est le même ? Alors, pas tout à fait, à quelques détails près, dont le prix. On avait fait d'ailleurs une chronique dans cette émission à ce sujet-là. On se rend compte que dans les différents pays, le même article peut être à des prix différents. On nous avait expliqué chez IKEA que ça dépendait évidemment de la concurrence avec les autres magasins, puisque IKEA essaie d'être le moins cher sur certains articles, du pouvoir d'achat dans les différents pays, des coûts salariaux, des volumes commandés, etc., etc. Mais bref, parfois, comparer le catalogue français et le catalogue belge, il y a des articles qui sont moins chers en France ou en Belgique. Et puis, j'ai découvert une phrase sur le catalogue IKEA que j'avais jamais vu. Les prix de ce catalogue peuvent diminuer d'ici le 31 juillet 2017, mais ne pourront jamais augmenter. Ça, c'est pas mal, ça. On se plonge dans ce catalogue IKEA ce soir en télé à partir de 18h30. Et nous suivrons le parcours quotidien de Giuseppe, qui doit se faire des muscles. Sympa, Giuseppe. Oui, il doit se faire quand même quelques muscles avec ça. Hein. Cité avec Relax, Take It Easy. 45 secondes de pause, les infos de midi arrivées, on revient derrière. En télé sur la une. Elle est sortie de ce sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ses tatouages sont récents. Cette carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blindspot. Les trois premiers épisodes, ce mardi sur la Une. 13h, c'est l'heure de prendre la vie du bon côté. Bien entamer son année scolaire, la prévention plutôt que la remédiation. Nous en avons parlé ce lundi avec notre conseiller en apprentissage et en orientation scolaire. Si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur nos sites internet. Sur vivacité.be, prenez la vie du bon côté quand vous le voulez. Vous écoutez Vivacité, il est midi. L'heure de s'informer avec Justine Hermance. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Les acteurs du tourisme wallon ont le sourire. L'été a été plutôt bon pour eux, malgré le climat post-attentat et une météo pas toujours au rendez-vous avant cette dernière semaine du mois d'août. René Collin, le ministre wallon du tourisme. C'est un bilan qui vraiment est positif parce qu'on a un statu quo au niveau du taux d'occupation dans les hébergements, un peu plus de 70%. Par rapport à 2015, qui était une très bonne année. Donc, je suis vraiment très heureux pour les opérateurs du tourisme qui ont beaucoup donné, qui se sont vraiment investis pour encore améliorer leurs infrastructures, encore performer dans l'innovation, dans la créativité. Il y a quand même un tassement en ce qui concerne les attractions et les musées. Au niveau de l'ensemble des attractions, à la fois musées, attractions de plein air, il y a une diminution de 4%. Évidemment, on n'a pas les chiffres de la dernière semaine du mois d'août. Et donc, on a vu qu'avec le temps, les attractions extérieures ont certainement dopé leurs chiffres, avec notamment le dernier week-end. Donc finalement, je crois que ce sont des chiffres qui sont tout de même positifs. René Collin au micro de Rudy Hermans. Plus que deux jours avant la rentrée des classes, les habitudes vont reprendre, la circulation aux abords des écoles aussi. Et attention aux accidents, d'après les chiffres publiés ce matin par l'IBSR. Ils sont très fréquents, Lionel Denebourg. Oui, puisque 41% des accidents qui concernent des enfants ou des ados, eh bien ces accidents ont lieu sur le chemin de l'école, l'Institut belge pour la sécurité routière et même plus précis. Le plus dangereux, c'est surtout la sortie des classes plutôt que le matin. Et la fin de semaine est également plus risquée. Le pic d'accidents est noté le vendredi soir. On y compte 70% de victimes de plus qu'un lundi matin. L'IBSR met ça sur le compte de la fatigue et de l'euphorie avant le week-end. Un chiffre encore à méditer avant la rentrée, jeudi. Seulement un enfant sur trois est attaché correctement au moment d'aller à l'école. Et dans 12% des cas, les enfants ne sont même pas attachés du tout. Merci Lionel Denebourg pour ces précisions. La sentence est tombée pour Apple, 13 milliards d'euros. C'est la somme que l'Union européenne réclame à la marque à la pomme pour des impôts impayés sur son territoire de 2003 à 2014. Apple est plus exactement implanté en Irlande. L'Union demande aux Irlandais de récupérer ces 13 milliards d'euros. Ce montant pourrait être réduit si d'autres pays, y compris les États-Unis, ordonnent à Apple de payer plus d'impôts. Les arrêtés anti-burkini en France favorisent la stigmatisation des musulmans. C'est ce qu'a déclaré le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Il salue la décision de la justice française d'avoir annulé l'interdiction du burkini dans plusieurs municipalités de France. En sport, les Diables Rouges s'entraînent en ce moment même à Nerpé de leur deuxième entraînement avec leur nouvel entraîneur Roberto Martinez et aussi Thierry Henry, l'entraîneur adjoint. Les Diables se préparent à huis clos à leur rencontre jeudi face à l'Espagne. Un match amical, il aura lieu au stade Roi Baudouin. En tennis, trois Belges montent sur les cours aujourd'hui à l'US Open. David Goffin, il affronte le jeune Américain Jared Donaldson. Kirsten Flipkens sera opposé à la Roumaine Simona Halep. Et Janina Wickmayer affrontera, elle, l'Allemande Julia George. RTBF Mobile Info, Caroline Gillet, la chaussée est dégagée sur la E19. Exactement, on avait un accident à hauteur de Thieu dans le sens Mons-Bruxelles, chaussée dégagée donc, mais toujours des files et 40 minutes de temps de parcours supplémentaire estimé en direction de la capitale. Des ralentissements aussi dans le chantier de l'E42 Mons, tourné entre Tournevaux et Quin. Là, vous ne perdez plus qu'une quinzaine de minutes en direction de Tournai, là où vous en perdiez presque 50 tout à l'heure. Une voiture sans permis se balade sur le 19 Valenciennes-Mons à hauteur de 5 Vilain. La voiture circule en voie d'arrêt d'urgence. Soyez donc très vigilants en direction de Mons. Chaussée dégagée également sur le 40 Gand-Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard en direction de la capitale. Et puis, les tout derniers ralentissements sur le ring de Bruxelles. 5 minutes supplémentaires en circulation extérieure entre Zaventem et Grand-Bigard. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous retrouvez Sébastien Nolveau sur Vivacité pour On n'est pas des pigeons. Merci Justine. Vivacité. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Dans cette deuxième heure, nous allons vous faire écouter le Brame du Cerf. Oui, fin août, c'est possible d'écouter le Brame du Cerf. Manu Morimont, fais-moi le Brame du Cerf. Oh non. On dirait un camion de pompiers. J'ai trop bramé pendant le week-end, j'ai la voix un peu cassée, désolé. Normalement, c'est en automne le Brame du Cerf. Mi-septembre jusque début octobre. Et c'est quoi cette histoire du Brame du Cerf au mois d'août? Une grande caméra cachée, on a piégé des touristes, on est allé leur faire écouter le Brame du Cerf au mois d'août, évidemment. Une grosse arnaque, effectivement, à touristes, mais on se fait tout savoir quand on est en vacances, voilà, ils sont bien faits U. Comme on dit dans ces cas-là. Christelle a commandé une cuisine. Elle doit être placée le 13 septembre, mais le vendeur exige qu'elle paye déjà la totalité de la somme maintenant. Oui, et elle se demande si elle ne se fait pas avoir. Elle va aussi être eue. Elle va se faire eue. Et donc, c'est peut-être une question à laquelle on peut évidemment essayer de répondre. Récupel, c'est un nom qu'on a déjà tous entendu. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce label? Réponse dans quelques instants. Et on n'oublie pas la question dont n'est pas des pigeons sur la page Facebook, Aurore. Oui, on vous demande ce que vos enfants mangent à l'école le midi. Est-ce qu'ils mangent le repas chaud de l'école ou est-ce qu'ils mangent des tartines? Et s'ils mangent le repas chaud, est-ce que vous en êtes content? Dites-nous tout sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez envoyer un SMS au 3063, ça vous coûte 50 centimes le message. Et puis il y a le répondeur 070 222 660. Et côté musique, il y aura Adèle. Et côté musique, il y aura aussi M. Pokora. Ah bah oui, tiens, ça c'est une bonne idée. Voilà pour le programme des prochaines minutes, on va danser. Si vous êtes à table, toute l'équipe vous souhaite un excellent appétit. On est encore ensemble pendant 57 minutes. Ah non, 53. C'est dingue, le temps passe vite. Hein. Chris Cab survive avec Bada Bing. On n'est pas des pigeons. Question autour de la table, vous pouvez aussi chez vous répondre. Hein. On ne vous entendra pas, mais vous pouvez toujours répondre. Est-ce que vous avez chez vous des vieux appareils électriques, électroniques que vous n'utilisez pas? Oui. Genre quoi? Genre une machine à pain. Ok, Annie. Une ancienne lessiveuse. Ok, hein, c'est ça. Une machine à on comprend mieux maintenant. Pourquoi vous gardez une ancienne lessiveuse? Pourquoi c'est parce qu'elle est à la cave, que c'est très lourd à porter, ah, que oui. Je ne sais pas la porter et que voilà. Et que donc je sais que je devrais l'acheter. Non, mais non. Pas n'importe où. Oui, mais vous avez déjà pensé à en acheter une autre? Oui, ah, mais c'est parce que je garde l'ancienne, au cas où. Ah oui, mais oui. Manu, un truc qui traîne? Un vieux radiocassette. Ouais, Jacques. Moi, je dois avoir un vieux GSM ou deux qui traînent au fond d'un tiroir. Ah oui, ben, ça aussi. Mais vous faites comme tout le monde, en fait. Vous savez qu'il y a 375 millions d'appareils électriques ou électroniques qui sont chez les ménages belges. Et là-dedans, il y a 48 millions de ces appareils qui ne sont plus utilisés et qui traînent dans les tiroirs. Alors, évidemment, on connaît tous l'ASBL Récupel. Oui. Eh bien, il est peut-être temps d'enfoncer une fois de plus le clou avec Bruno Firenze. Bonjour, vous êtes le porte-parole de l'ASBL Récupel. On connaît tous ce nom, on connaît tous le logo, on rappelle le rôle précis de cet ASBL. Bonjour, enchanté. Le rôle de l'ASBL de Récupel, c'est d'organiser la collecte et le recyclage de tous les déchets électro, de tout l'électro en Belgique. Ça fait combien d'années qu'on vous connaît? Ça fait combien d'années que Récupel existe? Ça fait 15 ans. 15 ans. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a encore 48 millions d'appareils qui traînent dans un grenier, dans une cave, et qui ne sont pas recyclés? Eh bien, la raison pour laquelle les appareils traînent, il y en a plusieurs. Hein. Souvent, c'est les petits électros. Ça ne dérange personne. C'est dans un tiroir et ça ne dérange pas. Donc, ça peut rester là. Mais nous, on fait ce qu'on peut. Enfin, on fait tout ce qu'on peut, en fait, pour... essayer de stimuler tout le monde à les ramener, en fait. En clair, on doit tous prendre une habitude. Un jour, on a pris l'habitude d'amener du verre dans la bulle à verre. Ouais. On doit prendre l'habitude, avec des déchets d'électro, les amener quelque part d'autre aussi. Bah, surtout qu'en plus, on paye une taxe. Il y a la petite taxe récupelle qu'on paye à chaque fois qu'on achète un appareil électro. Comment elle est financée, la SBL? C'est grâce à ces taxes? C'est uniquement grâce à cette cotisation. Ouais. Et la cotisation, elle paye pour le recyclage de l'électro à la fin. Donc en fait, quand on à l'achat de cet appareil, il y a une cotisation qui est liée à l'appareil. Et à ce moment-là, c'est déjà réglé pour le recyclage. Donc ça veut dire que ramener de l'électro, c'est tout le temps gratuit. Tout ça, ouais. Ça a été réglé au début. Ouais. On ne s'est jamais payé pour le recyclo, l'électro domestique, on va dire. Ce qui heureusement. Bah oui, parce qu'on paye déjà la taxe d'accord, on va maintenant, pas qu'on nous fait payer. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, on retape sur le clou quand on voit ces chiffres-là, nous, ça nous interpelle. Alors, on va les déposer où, ces appareils? Il y a plusieurs possibilités. Ou bien vous pensez que ça pourrait encore fonctionner, que c'est réparable ou que ça fonctionne encore. Là, on va à un centre de réutilisation. C'est ce qu'on conseille. Mais s'ils sont foutus, on les dépose où? Au parc à conteneurs? C'est souvent réparable, hein. Mais sinon, parc et conteneur, okay. c'est là qu'on rassemble le plus. Le magasin, quand vous achetez un nouvel appareil, ah, par exemple, on est obligé de reprendre l'ancien appareil. Hein. Ok. Et l'année dernière, vous avez récolté combien? C'est quoi la quantité d'appareils récoltés l'an dernier? L'année dernière, on a rassemblé plus de 25 millions d'appareils. D'accord, et ils sont devenus quoi ces appareils? Ils sont devenus, à 90%, ils sont redevenus matières premières. Donc tout ce qui se collecte correctement en Belgique, et ça je veux vraiment accentuer, c'est recyclé à 90%. Ah ouais, c'est important. Quasi que des entreprises belges. Ah, donc ça revient sur le marché belge sous une autre forme. Ça revient sur le marché mondial, mais ça redevient du métal, du plastique qui est réutilisable pour la construction d'autres machines ou qui revient sur le marché mondial. Moi, je veux toujours accentuer ça parce que tout ce qu'on arrive à ressortir comme matière première de cette mine urbaine, en fait, on ne doit plus ressortir de mine classique. Donc la valeur environnementale est immense. Ouais.

duo avec Natacha Saint-Pierre et le titre Mourir demain. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Dans l'équipe des pigeons, il y a des petits blagueurs. Il y a des gens qui ont envie de faire des tours aux touristes. En gros, c'est ça, Manu Raymond. Hein, on s'est dit cet été, qu'est-ce qui vous est passé par la tête parce que vous aviez une idée un petit peu farfelue. Vous avez pris des touristes pour aller écouter le brame du cerf au milieu du mois d'août. Ça va ? Ben, il faut croire que oui, ça va. Mais écoutez, vous allez peut-être rentrer un peu mieux dans ma tête. Allons-y. Ou pas. Mettons-nous dans votre tête. Il faut savoir qu'à l'équipe d'On n'est pas des pigeons, on a un réservoir de talents. Et on a un journaliste dans l'équipe qui est un formidable imitateur de Brame du cerf. Ah ouais, qui ça ? Par respect pour sa carrière, je vais taire son nom. Mais en l'écoutant, j'ai eu cette idée saugrenue. Créer une fausse attraction touristique, filmer en caméra cachée et emmener des touristes au beau milieu de l'été écouter le brame du cerf. Alors qu'on est en automne, hein, le brame du cerf. Mi-septembre jusqu'à début octobre. Alors le scénario, c'était quoi ? Est-ce qu'il y a des touristes qui se sont laissés piéger ? Alors, il y a des touristes qui se sont laissés piéger, mais je vous vois déjà, oui, mais ces gens-là sont bêtes parce que vous savez que c'est mi-septembre, le brame du cerf. Oui. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Et je vous propose un petit jeu pour ça, je vais vous faire écouter deux brames. Ah. Et lequel est celui produit par l'homme ? Oui. Lequel est celui produit par la bête ? Drôle. On lance le premier. Ok. Ah, ça, ouais. Ça c'est le combat. Ouais, ouais. L'autre ? C'est le premier, le faux, c'est le premier. Ça, c'est le vrai. Moi, j'aurais dit le vrai, le premier. Oui, moi aussi. Non. Non, ouais. Vous voyez, il y a débat. Oui, il y a débat. Mais Sébastien a raison. Le premier est créé par le champion de France de Brame. Ah, parce qu'il y a des mecs qui sont champions de France et qui passent leur temps à faire le Brame du cerf. Et d'ailleurs, on a eu la complicité du vice-champion de Belgique de Brame du cerf, Marc Gérard, qu'on remercie. Une imitation terriblement convaincante. Alors, à la décharge des gens, on peut dire que tout ça s'est fait dans un cadre très crédible. On avait la complicité du domaine provincial de Cheveton. On avait une camionnette siglée à notre disposition avec un chauffeur. Et puis Paul-Henri Burion, notre faux guide touristique, notre journaliste, qui usait d'arguments d'autorité en disant « mais c'est à cause du réchauffement climatique ici à Cheveton, il brame de plus en plus tôt ». Alors, une expérience sociale aussi, hein, là derrière. Oui, le but était de voir finalement, combien de personnes allaient rentrer dans cette attraction. J'avais beaucoup de doutes avant de le faire. Tout le monde me disait, mais tu es fou, personne ne va rentrer là-dedans. Et finalement, dès qu'on a posé le panneau attraction Brame du cerf devant la petite tonnelle, alors qu'on était même encore en train de régler les caméras dans cette tonnelle, directement les gens sont arrivés, quand est-ce qu'on peut s'inscrire, etc. Et tout de suite, là, j'étais rassuré, je me suis dit, ça va marcher. Caméra cachée, bien camouflée dans les bois, et à la fin, on vend des choses. Carrément, on fait une vraie attraction, quoi. On va écouter le Brame du cerf et puis on vend des trucs aux touristes. Le but de l'expérience, c'est ça, c'est d'emmener, on leur dit que c'est gratuit, et puis dès qu'ils sont dedans, on leur vend n'importe quoi. Et ça peut aller, c'était vraiment très farfelu, on avait des boulettes de cerf. Bien sûr. Du saucisson de cerf. Bien sûr. Du fromage de cerf. Ah ben bonne chance. Fromage de cerf, ça c'est plus compliqué. Pour traire en cerf. Et ils ont acheté. Et ils ont acheté pour faire plaisir, ils se sentaient quand même obligés. Vu que c'était gratuit, l'attraction est L'attraction était gratuite, on va aider cette petite ASBL. Et on a oublié le disque. Le disque, un très beau CD, c'est une composition personnelle. On va écouter. Brahms. Les plus beaux Brahms de cerf. Le Brahms. Sur le Brahms de cerf. Vous l'entendrez peut-être sur Musique 3 si vous appelez un jour. Un dernier conseil ou un bon plan à donner aux touristes pour ne pas se faire avoir ? Oui, alors, ce qui est plutôt rassurant, et c'est l'élément positif de cette caméra cachée, c'est que les gens ont commencé à lire les étiquettes. Ah. Et quand ils ont vu que le fromage de cerf était composé de lait de brebis, que le saucisson de cerf était du pur porc, ils ont commencé à avoir la puce à l'oreille. Et donc, ça, c'est le conseil qu'on donne à chaque fois dans cette émission. Bah, lire les étiquettes, ça permet de découvrir et de démasquer certaines arnaques. Et un autre bon plan, si vous voulez écouter pas le vrai cerf, mais les imitateurs du brame du cerf, allez à Saint-Hubert ce samedi 3 septembre. Ce sera le concours dès 15h. D'accord. Concours championnat de Belgique. Et en même temps, si déjà t'as entendu un mec qui vomit, ça ressemble... Bon, ok, d'accord. Le brame du cerf et la piège à touristes ce soir à la télé à 18h30. Pour tout ce qu'on n'a pas su faire, pour tous ces retours en toutes ces routines achevées.

titres du journal avec vous, Lionel de Neubourg, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est une amende record, 13 milliards d'euros, la somme réclamée à Apple par l'Europe. La Commission européenne estime que des accords passés entre l'Irlande et le géant américain, ces accords seraient illégaux. 13 milliards d'euros, ce montant, c'est 40 fois le plus important que les précédentes sommes réclamées par la Commission dans des cas similaires. Apple annonce déjà qu'il fera appel de cette décision. Déception ce matin pour des élèves musulmanes inscrites dans une école de promotion sociale à Uccle. L'an dernier, elles avaient pu porter le voile pour suivre les cours, mais ce matin, au moment des examens de seconde session, elles ont dû l'enlever en cause le règlement de l'établissement qui a changé cet été. Dans le journal, on fera la connaissance également de la famille Filet, une véritable dynastie d'instituteurs dans la petite école de Fréthure-en-Condreau. Cela fait quasiment 100 ans qu'ils donnent cours, 3 générations depuis 1918. Voilà pour les grands titres, Sébastien, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 13h, Lionel. On n'est pas des pigeons. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. C'était Adèle. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Christelle aussi, elle s'entend bien avec tout le monde dans le quartier. Bonjour Christelle. Bonjour Sébastien. Mais vous avez quand même une question. C'est pour ça que vous avez écrit un petit mail au Pigeon. Vous avez commandé une nouvelle cuisine équipée en mai dernier. Voilà. Un acompte a été livré. Oui. La livraison est prévue pour bientôt, hein, tout bientôt. Oui, oui. Le 13 septembre. Mais le vendeur est assez exigeant. Pourquoi il est exigeant? Parce qu'il me demande la totalité du du solde de la facture à verser avant, avant l'arrivée des meubles. Ouais, et ça vous inquiète, ça ? Oui, parce que je me dis, si après j'ai un problème, s'il y a une porte cassée ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce que j'aurai un recours ? Je n'en sais rien. Oui, c'est vrai, logiquement, vous avez tout payé dans ces cas-là. Bon, c'est une très bonne question. Je me tourne vers Annie Allard. Est-ce que c'est normal de réclamer, tout réclamer, avant la livraison d'une cuisine ? Ben, je vous dirais qu'il n'y a aucune loi qui règle le paiement d'un acompte. Ici, on a entendu acompte. Ben, il n'y a aucune loi qui va régler le versement du solde. Alors, la grosse majorité des cuisiniers, des vendeurs de cuisine, pardon. Attention, il y a Annie qui défraye. Oui, lancez un verre d'eau à Annie parce qu'elle ne saura pas. Mais c'est l'émotion. Vous savez quoi ? C'est l'émotion parce que cuisine, ce n'est pas vraiment sa pièce. Voilà. J'imagine déjà votre cuisine. Vous l'avez choisie de quelle couleur, Christelle ? Elle est jaune, rouge, bleue ? Non, dans les. Je vous disais, elle n'a aucun goût en matière de. Ça m'émeut très fort. C'est pas l'endroit où elle passe le plus de temps. Ça veut dire que... Ah non, pas du tout. La grosse majorité des cuisinistes travaillent comme ça. Ça veut dire que le client... On demande au client de prouver le paiement avant l'arrivée de la marchandise, donc avant la livraison et avant le placement. Sinon quoi ? Ils repartent avec l'œuvre. Sinon, je crois que c'est ce qu'on vous a dit au téléphone, Christelle. Vous avez quand même déjà appelé le magasin. Et, à ce moment-là, ils ne livrent pas. Ah d'accord, vous ne montrez pas la preuve. Avec la marchandise. Ah bah, c'est pas cool. Tu payes, on livre et on place. Tu ne payes pas, et ben oui, mais il y a déjà une partie qui était payée, c'est ça qui est dingue. Enfin, voilà, alors... Il y a un acompte qui a été payé. Ici, c'est 3 000 euros sur un total de 11 000 euros. Alors, ça veut dire que le vendeur, et on peut comprendre, se protège contre un défaut de paiement éventuel de son client, hein, parce que oui, tout le monde retient, voilà, 20%, ça n'ira pas. Le problème, c'est que quelque part, il tient à son client, parce que, comme vous le dites, Christelle, vous n'avez plus aucun moyen de pression sur le vendeur en cas de problème, hormis la fameuse garantie légale qui vous permet toujours de vous retourner et de réclamer éventuellement une réparation ou un remboursement, mais encore faut-il que ce soit un défaut de conformité. Alors, il faut aussi savoir que dans une cuisine, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, la marchandise a beaucoup plus de valeur que le placement. Et donc, on comprend quelque part que les vendeurs essayent d'avoir un maximum d'argent avant la livraison. Oui, mais je comprends aussi Christelle qui se dit, bah alors, ok, s'ils viennent, ils posent les meubles, ils ne les installent pas, j'ai aucun recours. Exactement, c'est une bonne question. Mais elle peut faire quoi alors ? Alors, ce qu'elle peut faire, c'est essayer d'agir au niveau du moment du paiement. Alors, on vous explique, Christelle. La livraison, elle est prévue pour le 13 septembre. J'ai regardé dans un agenda, c'est un mardi. Ce que vous devriez faire, c'est d'aller à la banque le 12 septembre pour effectuer le paiement du solde, donc 7 700 euros. Oui. Mais vous donnez l'ordre de paiement pour le lendemain, le 14. Donc, quand le livreur arrive, vous avez la preuve que vous avez effectué le paiement. On appelle ça un mémo-virement, hein, tout simplement. Et si vous le reportez d'un jour, ça veut dire que ça vous laisse la possibilité de bloquer le paiement si on ne livre pas la marchandise, s'il y a des défauts et s'il y a déjà un problème qui se passe au moment où le livreur vient. D'accord. C'est une possibilité, pas moi qui l'ai inventée. Hein. On a discuté avec des professionnels et ce sont des techniques que certaines personnes appliquent parce qu'ils se disent bah, si je dois tout payer avant, moi je suis un petit peu comme Christelle, j'ai plus moyen de pression. C'est pas un peu limite, hein ? Ben, on lui laisse le paiement quand même 7 jours à l'avance, hein. Voilà. Donc, en fait, il faut l'argent sur leur compte. Voilà. Je vous dirais que c'est un peu limite, oui et non. Non, parce qu'on ne laisse pas le choix au client. Ici, on demande le paiement de la totalité et vous ne savez absolument pas ce que vous allez avoir. Donc, dans votre cas, Christelle, à mon avis, d'aller à la banque le 12 septembre, c'est mal parti. C'est d'essayer de discuter et de retourner au magasin et de négocier pour que vous puissiez payer 80% peut-être du solde, voilà. Mais pas tout. Oui. Et quand les meubles sont là, la livraison est prévue le 13, mais le montage de la cuisine est prévu quand ? Non, justement, le montage de la cuisine est prévu le 13, et alors j'ai lu dans le document qu'ils allaient nous téléphoner 5 jours avant pour fixer la date de la livraison des meubles. D'accord. Et une fois que les meubles sont livrés, vous ne les ouvrez pas, hein, vous ne touchez à rien, tout doit rester dans le plastique. C'est bien inscrit, ne pas toucher... Donc voilà. Donc il y a des garanties aussi qui vous mettent à l'abri. Il y a quelques garanties, c'est ça, mais n'hésitez peut-être pas à passer un petit coup de fil au magasin. Je pense que tous les cuisinistes travaillent de la même manière, que ce soit des particuliers ou des grandes chaînes, je crois qu'il faut... La majorité travaille comme ça. Vous payez tout, sinon on repart avec la marchandise. Les cuisiniers devraient aussi comprendre que quelque part, le client n'a plus de moyens de pression en cas de problème. Et si vous voulez plus de conseils, il y a l'Union professionnelle. Oui, des ensembliers, ça existe, hein, de la cuisine équipée. Ils ont établi une charte pour tous les membres. Et cette charte, en fait, elle a pour but de, quelque part, protéger le client contre tous ces gros magasins qui vendent un peu tout et n'importe quoi. Parce que quand on visite un showroom, et c'est souvent comme ça, on se laisse piéger par la cuisine, elle est jolie, elle est jaune, elle est rouge, elle est verte. Mais c'est dans un showroom, les murs sont toujours bien droits. Chez vous, c'est pas toujours la même chose. Mm-hmm. Et on se laisse quelque part avoir aussi par le discours des vendeurs qui sont formés à ça pour vous refiler n'importe quoi, avec aussi des grosses remises exceptionnelles, merveilleuses. On a tendance à signer un bon de commande assez vite. Et on rappelle, Sébastien, c'est peut-être la dernière chose à faire, c'est que quand on est prêt à signer un bon de commande, on rappelle aussi « je signe, je m'engage », il faut demander le temps, quelques heures pour réfléchir, on reprend le devis, on réfléchit à soi, chez soi plutôt, et vous pouvez toujours discuter avec le vendeur des modalités de paiement. D'accord. Il faut y penser, on ne choisit pas que la couleur, on se dit zut, cette couleur-là, je vais la payer, et donc qu'est-ce qu'il en est des modalités de paiement ? Christelle, voilà. Est-ce qu'on a pu vous aider, vous tranquilliser, répondre à vos questions ? Voilà, c'est très bien, je crois que ça ira. Non, mais est-ce comme que ça ira, vous êtes sûr ? Oui. Bon, écoutez, s'il y a un souci, vous nous tenez au courant. Et oui, mais passez un petit coup de fil au magasin quand même, jamais. Ça ne vous engage rien. Ça, je vais le faire. Le vendeur rentre le 1er septembre, donc ça, voilà. Je vais directement. Et vous nous tenez contacter. Au courant. Vous nous tenez au courant. Okay. Bel après-midi, merci à vous. Dans un instant, direction la page Facebook où on vous a posé une question. On parlait tout à l'heure de nourriture et de repas à l'école, pour être précis. Si vous avez des choses. Et il y a des choses ? Il y a des choses. Hein. Par exemple, Johan qui nous dit « Repas tartine au vu du menu pas trop épicé, trop épicé et trop gras servi à l'école. » On en reparle et on lit ça dans quelques minutes. Hé, hey, c'est encore moi, Hip ! J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup ! Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam ! On vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La région de Bruxelles Capitale, Viva Bruxelles et la Une présente la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. Vivacité et la 2 présente l'AG Insurance Memorial Van Damme le vendredi 9 septembre au Stade Roi-Baudouin. Le plus beau meeting d'athlétisme au monde fête ses 40 ans avec les meilleurs athlètes des Jeux Olympiques. Un feu d'artifice et un concert pétillant pour clôturer la soirée. Plus d'infos sur aginsurancememorialvandamme.be. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus ? Info brusselsbywater.be. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles, dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi, je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. C'est juste toi.

I'll talk to you soon. I'll tell you it's alright, like in the good old times when we kissed under the moon. But for now, all in all, I'm keeping on looking for a new land since I've been gone. Oh, I'll chase down all the lights of my hometown. Lights of my hometown. I didn't say goodbye, just left the mess behind. A wish for safer days. I backed up my whole life and now I'm out of sight, somewhere far on away. And for now, on and on, I'm keeping looking for a new land since I've been gone. Well, I'll chase down all the lights of my hometown. The lights of my hometown. Lights of My Own Town, c'était Florent Braque avec Goldez. Et on termine par les repas chauds sur la page Facebook de l'émission. Oui, avec Christiana qui nous dit « J'ai fait mes primaires en France. Il y a 20 ans, je mangeais mieux que mes filles. Aujourd'hui, repas varié et équilibré. » C'est vrai qu'en France, en fait, la cantine est obligatoire. Hein. Ah bon ? On n'a pas le choix. Oh, oui, tout à fait. Les cantines belges ne sont pas un exemple, mais c'est toujours mieux que les tartines. Je suis sûre que si la cantine était moins chère, il y aurait plus d'adeptes. Le choix entre tartines et dîner chaud et souvent une histoire d'argent pour beaucoup. Mais ça, c'est vrai aussi. Encore un. Oui, Damien, je me souviens, dans les années 70-80, en primaire, c'était tartine soupe et comme boisson, bière pied de bœuf blonde ou brune. Oui, et on ne ferait plus ça aujourd'hui. Hein. Non. Vous pouvez évidemment poursuivre le débat sur la page Facebook. En même temps, on a tous grandi avec de la bière pied de bœuf. Regardez ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est triste. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Charlie Puth avec Meghan Trainor et cet hommage à Marvin Gaye. Les Diables sont de retour. Premier match pour notre nouveau coach, Roberto Martinez. Le 1er septembre, les Diables ont besoin de vous. Belgique-Espagne, ce jeudi sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Des pigeons. Et comme chaque jour, on termine avec le coup de gueule, il est signé Mag. Oui, c'est Mag qui râle contre les étiquettes qui sont collées directement contre les poires. Elle dit qu'elle ne sait pas les enlever parce qu'il y a toujours du collant qui reste sur la poire. Ah ouais, ça c'est pas... Et c'est vrai, la raison. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller mettre sur une poire conférence que c'est une poire conférence? On le sait, oui, si on l'a acheté. Mais souvent, on met la marque, en fait. Ah. La marque oui, c'est ça, c'est une petite publicité. Ouais. Ça veut dire qu'il faut l'éplucher absolument, sinon, de toute manière, il vaut mieux éplucher avec les pesticides et autres on asperge là-dessus, mais sinon vous mangez en plus le collant. Si vous êtes comme Mag et que vous avez des trucs à nous dire, n'hésitez pas, hein, c'est sur plein de plateformes que vous pouvez joindre la rédaction. Par exemple Facebook, hein, on n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un mail pigeon@rtbf.be et puis notre répondeur est là aussi, 070 222 660. La télé c'est ce soir à partir de 18h30, toute l'équipe va préparer ça et on vous attend pour aller voir cette belle arnaque à touristes montée cet été pour aller voir le Brame du Cerf au mois d'août alors que c'est bien en automne le Brame du Cerf. Mais ça marche. Et puis, c'est la vie du bon côté, là, sur la radio, qui prend le relais. Sylvie Honoré, vous parlez de l'hépatite C cet après-midi. Du foie. Ça va votre foie, sinon Ça va très bien. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Votre foie est l'un de vos plus gros organes internes. Non, c'est pas le plus gros organe chez moi. Mais c'est Il faudra vous y faire. Interne. Oui, j'ai dit. J'aurais dû m'arrêter plus gros organe et puis j'aurais dû dire interne, voilà. En effet. Oui, ben voilà. Donc, nous allons parler du foie, qui est souvent comparé à une usine chimique. Bonjour, professeur Yves Hoffmans. Bonjour. Bienvenue. Alors c'est vrai que en préparant cette émission, j'ai appris en effet que le foie était l'un de nos plus gros organes internes et que chez nous... Vous allez complexer votre interlocuteur. Et que chez nous, les adultes, il pèse de 1 kg à 1,5 kg. Oui, plutôt 1,5 kg d'ailleurs. Plutôt 1,5 kg, voilà. Le foie qui transforme et stocke en partie les substances nutritives en provenance des intestins. Voilà, nous allons faire un petit cours de biologie, mais surtout, grâce à vous, parler de l'hépatite C, qui est peut-être cette forme d'hépatite virale la plus insidieuse. Je pense même qu'elle l'est, hein, carrément. Absolument, oui. Car elle est causée par un virus très résistant et jusqu'à 80% des infections au virus de l'hépatite C deviennent chroniques. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai relevé, mais vous allez... J'ai tout un tas de questions, donc on va pouvoir parler de ça. On reparlera quand même de l'hépatite A, de l'hépatite B et surtout de l'hépatite C. Pourquoi nous parlons de l'hépatite aujourd'hui? Parce qu'il y a eu la journée mondiale contre l'hépatite il y a un mois environ. Et le message était clair lors de cette journée mondiale contre l'hépatite. Oui, on peut éradiquer le virus de l'hépatite C en Belgique grâce au traitement pour tous. Ça, c'est le premier message. Et puis, comme vous êtes hépatologue, Yves Hoffmans, eh bien, on va en profiter, en effet, pour reparler un petit peu de toutes les hépatites, mais surtout celle-là, et de demander aux auditeurs de poser leurs questions, de venir témoigner aussi s'ils ont déjà eu des problèmes au niveau de leur foie et s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur les formes d'hépatite. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 50 centimes, votre message, on parle de ça. Émission Santé, donc, sur ça, juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis que voici. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bonne journée à tous. Le soleil finit donc par s'imposer partout. On attend jusqu'à 24 degrés dans le centre du pays, localement 25. 22 littoral, 20 à 21 sur les hauteurs de l'Ardenne. Un vent faible de nord-est nous attend. La nuit prochaine sera calme, étoilée avec quelques brumes, 10 à 13 degrés. Puis demain, on retrouve à peu de choses près les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Peut-être moins de brumes le matin, des éclaircies, puis quelques nuages bourgeonnants sans conséquence. Les températures remontent encore un petit peu, 22 à 26 degrés peut-être par endroit, donc ce sera un petit peu mieux. Jeudi, on pourrait mettre un petit bémol avec davantage de nuages et 20 à 24 degrés, mais vendredi, on a à nouveau des températures légèrement plus hautes, donc une semaine de fin d'été qui sera on ne peut plus agréable. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Les titres du journal de la mi-journée.